de ma main. Dans l'espace d'un refrain, entre le ciel et l'infini, pas loin du vide et de l'oubli. Sentir le sang souffler sa fond, frémir dans le creux d'un couteau, taper du poing contre le vent, sécher ses mains, serrer les dents, marcher au son des drapeaux, rouler sous le poids du sac à dos, se hâter, se fatiguer, être troublé de tant marcher. Et puis Phénix entre ses cendres, une fois qu'il n'y a plus rien à fendre, être un instrument de musique. Dans un orchestre philharmonique, un orchestre philharmonique, être un instrument de musique. Dans un orchestre philharmonique, le rythme, le sound of the glory bells, making more and more near the clouds. And they sing, and they sing, and they want you to know. C'est trash, ça me touche et ça me fâche. Ça prend la tête comme un esprit qui pète sa tête. Comme un excès qui pète, ça crache, c'est louche, c'est moche. T'inquiète pas bébé, j'suis passé chez Soch. De beau débile avec un beau débile. Un air utile avec un brin de débile. Tu liches, mais je m'en fiche. Chaque fois que tu triches, ton monde part en friche. C'est clair, c'est pas ça. Ça craint, tu dis là, ça dégénère et ça me vénère. Dès le matin, je m'en tape. Mais ça, pour moi, c'est de la soupe. Enlève ton fut que je ramène mes tripes. Tu tripes, tu flippes, tu sens venir le flop. Bravo bébé. C'est louche, c'est trash, ça me touche et ça me fâche. Ça prend la tête comme un esprit de trompette. Ça pète comme un excès de trompette. Ça crache, c'est louche, c'est moche. T'inquiète pas bébé, je suis passé chez Soch. De beau débile avec un beau débit. Un air futile avec un brin de délit.